Dans cette partie de Matthieu, de 8 à 10, on a parlé d'une vérité, vraiment, fondamentalement, c'est la compassion de Jésus pour le monde qu'il veut sauver. La compassion, c'est quoi? C'est quoi la définition du dictionnaire? Sentiment de pitié pour le malheur d'autrui. Jésus a un sentiment de pitié ou de tristesse ou de... Il veut faire de quoi? Et on a vu ensemble que la compassion, la vraie compassion, passe toujours à l'action. Tu ne peux pas dire « j'ai de la compassion pour quelqu'un et rester chez vous ». C'est impossible. C'est la même vérité que la foi sans les œuvres est morte. La compassion sans action, c'est une compassion morte. En tout cas, si tu as ta compassion comme ça pour moi, ça ne change rien dans ma vie. Parce que tu ne fais rien. N'est-ce pas? C'est facile à comprendre. Mais Jésus a de la compassion. Jésus se promène dans le monde dans lequel il vit, dans son monde à lui, en Israël, et il a des sentiments. La Bible nous dit qu'il a mal dans le ventre, si on traduit en québécois. Il en a mal aux tripes de voir ce monde qui pleure, ce monde qui souffre, ce monde qui meurt. Ce monde qui se querelle, qui se chicane, ce monde qui s'attaque, qui se détruit. Il y en a mal au ventre. Il y a d'autres sentiments qui viennent, qu'on a vu ensemble dans les chapitres 9. Il dit qu'il se promène de ville en village et il voit comment la foule est abattue, que la foule est découragée parce qu'elle n'a pas de berger pour la conduire spirituellement. Il n'y a personne qui est là qui veut diriger la foule vers Dieu. Vers Dieu. Les systèmes religieux du temps de Jésus en Israël, Jésus va dire, pendant qu'il est là, il va dire, en parlant du temple, qui est le centre de la foi hébraïque, il va dire, la maison de Dieu, ma maison, devait être une maison de prière, et c'est devenu une maison de voleurs. Ça décrivait pas mal qu'est-ce qui se passait. Il dit, même au centre de toute la religion juive, Le noyau de cela, c'est devenu une maison de voleurs. La religion juive usurpait, utilisait la religion pour faire de l'argent. J'écoutais un sermon cette semaine qui disait, c'était en anglais, « Abusing the poor ». L'homme prêchait sur les systèmes religieux du monde qui abusent des pauvres en leur disant, « Si vous ne donnez pas votre argent, vous ne rentrez pas au ciel ». Ils font peur aux gens qui n'ont souvent pas beaucoup d'argent et ils vont donner de leur sous qu'elle a de même besoin pour eux. Ils la donnent parce qu'ils veulent sauver leur âme et ils souffrent à cause de ça. Jésus n'est pas comme cela. Jésus a de la compassion. Il veut faire de quoi pour le monde dans lequel il vit. Mais ce n'est pas une petite tâche, vous savez, ce n'est pas une petite tâche. De convaincre la population que Dieu a compassion d'eux, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pour ça que les religions marchent tant dans le monde. Les gens ne croient pas à la compassion de Dieu. Ils veulent acheter l'amour de Dieu. Ils veulent payer pour entrer au ciel. Ils veulent payer pour avoir une messe chantée. Ils veulent payer pour avoir quelqu'un qui sorte du purgatoire. Ils veulent payer pour passer. Je ne sais pas si vous avez vu certains films, des fois ils mettent des sous sur les yeux. Vous avez vu le 3, le film qui est passé, quand ils payaient le passeur qui appelait. Donc tu meurs, mais tu amènes ton argent avec toi pour payer le droit de passer. Ils vont marquer, si vous étudiez la religion, ils sont toujours en train de payer leur Dieu sur quelque forme. Et on a vu ensemble que dans les semaines passées, que Israël est venu jusqu'au point qu'ils donnaient leurs enfants et les sacrifiaient sur des autels pour que Dieu les accepte. C'est rendu que tu ne payes pas ma chair, hein? Quand tu donnes la vie de tes enfants pour sauver ton âme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les gens ne croient pas à la compassion de Dieu. Et Jésus va, pendant ses 3 ans de ministère, va faire toutes sortes de choses pour convaincre Israël que Dieu a compassion d'eux, que Dieu veut leur bien, que Dieu veut leur faire du bien. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, la religion, là, il parlait de la reine avec, c'est tout un attrape-nigaud. Il abuse de la faiblesse des gens. Je me dis, vous comment c'est? Même si je lui parlais d'un Dieu compatissant, même si je lui parlais que Jésus voulait le sauver, que Jésus était mort pour lui, tu veux abuser de moi. Vous comment c'est rendu? L'homme, à cause qu'il est pécheur, l'homme ne voit pas que Dieu a pitié de lui. Il ne croit pas. Soit qu'il le rejette en bloc, il ne veut rien savoir de toute forme de religion, de quoi que ce soit, ou ben non, il va essayer par sa vie, par ses biens, de payer ce Dieu-là pour que finalement il accepte. Jésus dit non. C'est pas ça que je veux. J'ai compassion de vous. Je veux que vous compreniez que je veux vous faire du bien. Et on a vu ça ensemble dans les semaines passées, qu'il va faire toutes sortes de choses pour leur démontrer cela. Pouvez-vous m'en nommer? Vous en souvenez-vous de quelques-uns? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 ans pour leur montrer qu'il avait compassion de leur misère? Il a fait des miracles. Ça veut dire qu'il a pris des personnes malades et les a guéris. Hein? Il a fait des miracles pour leur montrer que j'ai compassion de ta souffrance physique et je vais faire de quoi pour ça? D'autres choses? Il a libéré certaines personnes qui étaient possédées de démons. Hein? Il a chassé les démons. C'est pas, j'espère que vous n'avez jamais vécu ça, hein? D'être possédé du démon. Je ne pense pas, mais s'il y en a, vous savez que ce n'est pas drôle. En tout cas, je regarde dans la Bible ceux qui l'ont été, ce n'était pas une belle vie. Jésus les libère de ça pour leur montrer qu'il y a compassion de leur misère. Ce n'était pas la faute de Jésus qui était possédé de démons. Ce n'était pas la faute de Jésus qui était malade, ces gens-là. Non, non, ce n'était pas la faute de Dieu, là. Mais il y a compassion d'eux autres et veut les aider. D'autres choses? Il a nourri des gens qui étaient affamés. Oui. C'est tout des miracles. Oui, c'est toute une forme de miracle. La Bible emploie différents termes. Appelle prodige, signe, miracle. C'est tout des choses que Jésus a faites. D'autres choses? Il a pardonné des péchés. Il a dit à l'homme, tes péchés te sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. T'as eu le pardon de tes péchés. Il dit, j'ai tellement compassion de vous autres que je peux vous pardonner tout le mal que vous m'avez fait. Que vous avez fait contre Dieu. Ça, moi, j'appelle ça de la compassion, ça. Pas mal fort. D'autres formes? Il a ressuscité des morts. Oui, c'est encore le pardon. Il a offert le pardon aux gens. Oui, ça va être l'ultime chose qu'il va faire pour eux autres. Et on a vu ensemble qu'il avait changé des vies. Il a pris des gens qui avaient des vies malheureuses, puis il leur a donné de la joie. Il a pris des gens qui étaient abattus, découragés, et il leur a donné une raison de vivre. Il a pris des gens comme Matthieu, comme des prostituées qui avaient des vies de difficiles, qui étaient tristes, qui étaient abattues, qui étaient rejetées, et il les a pris, il les a transformés, et il leur a donné une vie qui avait de la joie dedans. Tout ça parce qu'il avait de la compassion. Il n'était pas obligé de le faire. Et si on vous casse les bras pour que vous ayez de la compassion, ce n'est pas de la compassion. C'est parce que vous avez mal, vous allez faire de quoi? Ici, Jésus, il n'était pas obligé par qui que ce soit, par quoi que ce soit, mais avec de la compassion. C'est ce qu'on appelle la compassion. Justement, j'ai écouté une émission de télévision qui parlait du Dalai Lama. Et on disait que le Dalai Lama, pendant 3 heures et demie par jour, il méditait sur la compassion. Ça m'a frappé parce que j'étais en train d'étudier cette compassion de Jésus. Je me suis arrêté, je me suis dit, sur quoi est-ce qu'il médite pendant 3 heures et demie par jour? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il passe par la tête pendant 3 heures et demie pour méditer sur la compassion? Puis qu'est-ce que ça donne? Si tu fais juste méditer pendant 3 heures et demie et que tu fais rien, ça donne rien, bien entendu. Mais je me suis dit à moi-même, est-ce qu'il méditait sur sa compassion pour les gens? Est-ce qu'il méditait comment il pouvait être compatissant pour les gens? Si tu médites sur la compassion humaine, tu vas méditer, ça c'est ma compréhension, sur rien. Parce que l'être humain n'est pas compatissant de nature. Il n'est pas compatissant de nature. Vous le savez comme moi. Je le sais comme vous. On peut passer aux côtés de quelqu'un qui souffre et rien faire. On peut voir les gens crever de faim puis pas donner rien. Vous savez ça, hein? Vous savez ça. La compassion ne fait pas partie de notre héritage humain. Quand on donne vie à un enfant, on ne lui transmet pas la compassion. Ça ne vient pas de nous. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, ce qu'on va continuer à voir, que Jésus va prendre ses disciples, ses 12 apôtres. Et Jésus a de la compassion pour le monde. Lui en a pour le monde entier de la compassion. Il va prendre ces 12 hommes-là, puis il va leur dire, « Je veux maintenant que vous partiez dans le monde et que vous allez exprimer de la compassion. » Ma compassion. Je veux que vous alliez dire au monde que l'Église baptiste de Mont-Tremblant est pleine de compassion pour eux autres. C'est ça qu'il dit? Non. Et je veux que vous alliez dans le monde leur dire que j'ai de la compassion pour eux. N'est-ce pas? C'est ça qu'il dit de faire. On n'est pas appelé, nous, à aller dire aux gens que l'Église baptiste a de la compassion, que François a de la compassion, que Joe Blow a de la compassion. On n'en a pas de compassion, mais on est appelé à aller leur dire aux autres, Dieu a compassion de vous, il veut vous faire du bien, il veut vous sauver. C'est ça le message qu'on a. C'est pas un message humaniste où est-ce que nous, on se prend pour des stars spirituelles et qu'on parle de nos dons, de nos gamètes qu'on fait pour aider le monde. Pour que Jésus nous donne sa compassion, nous devons avouer qu'on n'en a pas. On n'en a pas. Mais quand on dit qu'on n'en a pas, lui nous en donne la sienne, sa compassion. Et c'est pour ça qu'on a vu ensemble qu'en nous donnant le Saint-Esprit, c'est ça qui va nous emmener, parce que la compassion est un fruit de l'Esprit, il va nous emmener à transmettre la compassion de Dieu aux gens. Vous êtes des exemples vivants de la compassion de Dieu. Dites-leur, garde-moi. Regarde-moi, je suis une preuve de la compassion de Dieu. Je suis son enfant malgré tous les péchés que j'ai faits et que je fais encore. Je suis une preuve que Dieu est compatissant. Vous n'êtes pas compatissant, vous êtes une preuve de la compassion de Dieu pour l'être humain. Je suis une preuve aussi de cette compassion-là. Et ce matin, on a commencé à regarder les autres matins, je veux dire, et on va continuer quand Jésus voit ce monde qui a tellement besoin, il va se multiplier, il va prendre des êtres humains, il va les transformer, il va les changer afin de pouvoir apporter de la compassion au monde dans lequel nous vivons. C'est intéressant de regarder l'évangélisation-là de ce point de vue-là. L'évangélisation, ce n'est pas de donner un traité, c'est beaucoup plus que ça. C'est d'emmener le monde, au monde, les amener à comprendre et à voir et à saisir que Dieu est plein de compassion pour eux. À un point tel qu'ils vont accepter de mourir sur la croix pour eux. Nous avons le plus beau message à délivrer. Il n'y a pas de religion dans le monde qui a un message comme le nôtre. Nous avons un message de compassion. Les religions ont un message écrasant. Jésus a dit, vous mettez sur le dos des gens de lourds fardeaux. Nous, notre message, c'est pour enlever les fardeaux, libérer les gens. Hey, on a un beau message. Hein, si Jésus nous enverrait, François, va dans le monde et dis-leur qu'ils doivent faire les 10 commandements pour être sauvés. Et que je serais triste. Je serais découragé et abattu. D'abord, je serais hypocrite parce que je ne le ferais pas moi-même. Je serais découragé. Mais d'aller dans le monde et de leur dire, vous êtes aimés sans condition par Dieu, si vous voulez renoncer à votre révolte, comme on a vu tout à l'heure, si vous voulez vous tourner vers Dieu, et lui, il va exprimer sa compassion, il va vous montrer à quel point il vous aime en vous sauvant. Donc, on a vu ça ensemble. Jésus nous a demandé de commencer par prier. Il dit, priez que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Ensuite de ça, il va les envoyer dans la moisson, qui est le monde dans lequel nous vivons. Il se multiplie. Il leur donne le Saint-Esprit. On est tous ensemble. Et l'Esprit Saint, c'est tout ce que vous avez besoin. C'est tout ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'autre chose que ça. Quand vous avez l'Esprit du Saint en vous, vous avez la puissance de Dieu en vous. Vous avez ce que vous avez besoin pour aller dans ce monde exprimer la compassion. La forme que ça va prendre, ça, c'est votre affaire. La méthode que ça va prendre, ça, c'est votre affaire. La vitesse que ça va aller, ou le nombre de fois que ça va le faire, ça, c'est votre affaire. Mais le Saint-Esprit, c'est ce que vous avez besoin en dedans de vous pour faire le travail que Dieu veut que vous fassiez, qu'il veut que je fasse. On a vu ensemble qu'il va maintenant partager ses méthodes. Il va leur dire comment faire ce travail d'aller dans le monde. Et on a vu ensemble qu'il ne va pas donner un programme, il ne va pas donner des méthodes, il va donner des principes de base pour que tout le monde puisse les utiliser. Le premier qu'on a vu, c'est qu'il a déterminé l'endroit. Pour les Juifs, ils devaient annoncer l'Évangile seulement quand? En Israël, seulement dans le pays d'Israël pour le moment. Après ça, à la fin, quand Jésus est mort et ressuscité, il va dire à ces mêmes 12-là, avec d'autres, il va leur dire maintenant, votre champ de mission, c'est la terre entière, c'est le monde entier. Vous devez aller dans le monde entier exprimer la compassion de Dieu pour eux. Ensuite, on a vu qu'il leur a donné le message, prêcher le royaume de Dieu. Hein? Le royaume de Dieu. Prêcher le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Prêcher le royaume de Dieu. Je reviens souvent là-dessus, parce que c'est important. Prêcher le royaume de Dieu. Il faut aller prêcher aux gens que Dieu veut régner dans leur vie. Allez pas trop vite avec la petite place dans le ciel à quelque part, parce que Dieu va tout vous donner ce qu'il veut. Allez pas trop vite avec ça. C'est attirant pour les gens. C'est attirant pour les gens. Jésus va me sauver, va aller au ciel. C'est attirant, mais ce n'est pas toute la réalité, ça. Ça fait partie du message, mais ce n'est pas juste ça, là. Le message, c'est tu prêches que Dieu veut établir son royaume. Établir son royaume. Ensuite, on a vu qu'il a dit « Faites-le gratuitement ». Donc, nous sommes appelés à aller dans le monde et prêcher le message de Dieu gratuitement. On ne doit pas charger quelque chose pour ça. On ne doit pas demander aux gens « Ben là, si tu veux que j'annonce l'Évangile, ça va être 25$ à l'heure. » Je ne pense pas que c'est la bonne méthode. Jésus dit, faites-le gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement aussi aux gens. On a vu ensemble du verset 11 au verset 15 du chapitre 10, faites-le poliment. Faites-le poliment. Ça voulait dire si annoncez-le à ceux qui veulent l'entendre. Ceux qui ne veulent pas l'entendre, ne leur annoncez pas. Si quelqu'un n'est pas ouvert, ben dis, tu t'en vas ailleurs. Ne forcez jamais les gens à écouter l'Évangile. Ne forcez pas les gens. Vous remarquerez que Jésus ne l'a pas fait, Paul ne l'a pas fait, les apôtres ne l'ont pas fait. Ils ne font pas ça. Quand les gens ne veulent pas l'entendre, ils disent « Secoue tes pieds, va-t'en ailleurs. Va-t'en ailleurs. » Ils ne veulent pas vous recevoir, va-t'en dans une autre ville. Nous, on peut le réduire en personne, hein, d'une personne à l'autre. Cette personne-là ne veut pas l'entendre, mais essaye pas de l'attraper dans un attrape-migo. Je vais y faire quelque chose. Là. Je vais l'inviter à souper sans que ça paraisse. Il m'a fini par lui dire « Mélanger. » Fais pas ça. Fais pas ça. Si tu sais qu'il ne veut pas entendre parler, si tu sais qu'il est rebelle, fais pas exprès pour qu'il devienne encore plus rebelle. Jésus n'a jamais forcé personne à le suivre. Jésus dit quoi? Suivez-moi. Il ne fesse pas dans le dos à personne, il ne force pas personne à suivre. Suis-moi si tu veux. Si tu ne veux pas, reste là. Il dit au jeune homme riche, va vendre ce que tu as, viens, suis-moi. Si tu ne veux pas, il n'a pas créé des bêtises. Il n'a pas dit, espèce de niaiseux, tu comprends? Non, non. Il l'a laissé faire. Le jeune homme riche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses petites plaques, il est parti. Jésus n'a pas couru après. Il l'a laissé partir. On ne force pas les gens à entendre l'Évangile. On ne force pas les gens à entendre l'Évangile. Puis, je vous en prie, ne faites pas des affaires pour les attraper. Moi, j'ai vu des gens inviter des personnes à un déjeuner sans leur dire que c'était un déjeuner pour les convertir. Si tu les invites au tournoi de golf, dis-leur. C'est un but. Le but, c'est d'emmener l'Évangile. Le but, c'est de comprendre qui on est en tant que chrétien. Le but, c'est de te faire connaître d'autres chrétiens, d'entendre l'Évangile. Dis-lui, attrape-les pas. Dis-lui pas que tu s'en vas jouer au golf. Après ça, tu l'emmènes, tu le forces à écouter quelque chose qu'il ne va pas écouter. Il va juste t'en vouloir. Il va juste t'en vouloir. Ça ne fera pas aider personne dans le ministère de Dieu. Soyons francs, soyons honnêtes, soyons transparents. On est là pour exprimer la compassion de Dieu et non pas pour attraper quelqu'un. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sauvera pas des gens à travers ça, vous savez. Il peut sauver des gens pareils. Dans sa grâce, il peut faire n'importe quoi. Je ne crois pas qu'il nous enseigne ce matin ici à forcer les gens à écouter. Non, il dit, s'ils ne veulent pas écouter, va-t'en ailleurs. Va trouver un autre gang qui va vouloir écouter. OK? Ensuite, au verset 16, il dit, « Soyez prudents, prudents comme des serpents, doux comme des colombes. Et mettez-vous sur vos gardes. » Il est en train de dire, « Ce ne sera pas facile. Vous allez être dans un monde où est-ce qu'on ne veut pas accepter. Vous allez être dans un monde où on rejette la lumière. Vous êtes dans un monde où on rejette la vérité. » Il dit, « Vous voyez, regardez-moi. Regardez-moi. » Jésus dit, « Regardez-moi. Moi, j'étais là. Regarde ce qu'on m'a fait. » On m'a rejeté, on a voulu me lapider à certaines reprises, on a voulu me tuer, on a voulu finalement, on m'a crucifié, mais vous attendez pas à ce qu'ils vont vous traiter mieux que moi. J'ai eu toute la compassion du monde pour eux, je leur ai fait du bien pendant 3 ans, et ils m'ont crucifié quand même. Et donc il dit, soyez prudents, soyez sages, soyez doux comme des colombes, mettez-vous sur vos gardes, et faites-le bien, poliment, mais soyez conscients que c'est un travail difficile. Et ce matin, on est rendu au verset 19, finalement, on est rendu là. Verset 19, dans Matthieu, chapitre 10, verset 19. « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Donc, il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il dit, quand vous allez répandre mon message, quand vous allez parler de moi, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il dit, ce n'est pas vous qui allez parler, c'est l'Esprit Saint qui est en vous, que je vous ai donné. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre des versets, il ne faut pas savoir notre Bible. Faites attention, Jésus, le Saint-Esprit ne vous fera pas dire quelque chose que vous ne savez pas. Mais non. Si vous ne savez pas quelque chose, vous ne le saurez pas devant la porte non plus. Mais il va être là pour vous aider à vous rappeler ce que vous avez appris, ce que vous avez lu. Il va vous aider à trouver les bons mots, les bons passages bibliques, à expliquer la bonne manière. Il va vous aider. Ne t'inquiète pas. Il n'a pas dit, fais rien. Mais il dit, ne t'inquiète pas. Vas-y, avec ton bagage, et dis-leur ce que tu sais. Dis-leur ce que tu sais. L'Esprit Saint va t'aider, va te diriger à travers ça. Mais si tu n'as jamais entendu parler de quelque chose dans la Bible, je ne pense pas que tu vas le dire. J'ai jamais lu l'Apocalypse, mais je vais t'en parler. Je ne pense pas que ça va marcher comme ça, là. Tu ne penses pas que ça va marcher comme ça, hein? Il va t'aider à te rappeler, il va te guider dans ta façon de faire, il va te donner de l'amour, il va te donner de la compassion. C'est l'Esprit Saint qui va faire ce travail-là avec vous autres. C'est pour ça que c'est si important de comprendre qu'on ne s'en va pas tout seul. Même quand vous êtes tout seul, vous n'êtes pas tout seul. Vous travaillez avec une équipe. Vous travaillez avec une équipe. Et une de ces équipes-là, c'est Saint-Esprit. Hey, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Quand tu parles, tu es en train de parler avec quelqu'un que tu sais, toi, qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler, qui est le Saint-Esprit, qui est en train de travailler dans le cœur de la personne pour la convaincre de l'amour de Dieu, la convaincre de la grâce. C'est Saint-Esprit. Va vous dire un secret. S'il ne réussit pas, lui, à les convaincre, vous ne réussirez pas, vous certainement pas. Si le Saint-Esprit n'est pas capable de les convaincre, ce n'est pas vous autres qui allez les convaincre. Faites ce que vous voulez, ne les convaincrez pas plus. Ce n'est pas votre rôle de les convaincre. C'est le rôle du Saint-Esprit, ça. Et si le Saint-Esprit va être avec vous, l'Esprit de votre Père parlera en vous. Pas. Il va parler en vous. Vous allez pouvoir le dire à la personne. Ce n'est pas que lui va parler de façon quelconque, mais il va vous diriger, il va vous conduire à parler avec ces gens-là. Donc, il dit, ne vous inquiétez pas. Allez-y avec assurance. Allez-y avec joie, avec enthousiasme. Ne soyez pas inquiets. de temps en temps, j'écoute des sermons sur Internet, je vous l'ai dit à quelques reprises, et un des places que j'écoute, ça dit tout le temps, à commencer, à chaque fois que ça commence, puis c'est en anglais, il dit, pourquoi est-ce que nous avons tellement, des fois, honte de qui nous sommes? Est-ce que vous arrivez des fois? Vous savez que vous pourriez dire quelque chose, la porte est ouverte, mais le cœur qui se met à vous switcher, assez fort que finalement, vous ne dites rien. Là, vous allez chez vous, vous dites, j'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû parler, puis là, il n'est pas fait. Vous avez déjà vécu ça, hein? Ceux qui ont déjà levé, là, fait ça, là. Je l'ai fait aussi. Ben oui, je l'ai fait aussi. À chaque fois, tu demandes de prier. Non, mais la prochaine fois. Non, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Mais ne t'inquiète pas. Puis quand on est inquiète, même qu'on a peur, c'est pourquoi? On sait pas. On est inquiète pour nous. On se demande comment les gens vont réagir. On se demande ce que les gens vont dire. On se demande si on est capable de le dire comme il faut. Non, dis, ne t'inquiète pas. Sois pas inquiète. Hein? Cet esprit est avec toi. Dis-le. Une fois, je me souviens, il y avait un homme qui est allé me voir, un chrétien. Ça peut-être un qui était à l'église, il était puis il dit, François, je ne sais pas quoi leur dire. J'arrive pas. Je jamme. Mais il dit, tu sais-tu comment tu as été sauvé? Ben oui, c'est ça. Je sais comment j'ai fait pour être sauvé. Mais dis-leur ça. Dis-leur ça. S'ils posent des questions sur d'autres choses, dis-leur, je ne sais pas. Mais ce que tu sais comment faire pour être sauvé. Tu as été sauvé, toi. Dis-leur comment tu as été sauvé. Fais juste leur raconter ton histoire. Ça va être déjà très bien, très, très bien. Je vous le dis, ce qu'on a comme statistique, c'est pas dans la Bible, ce qu'on a comme statistique au Québec, c'est les jeunes croyants qui conduisent du monde au Seigneur, c'est pas les vieux. Les jeunes ont moins de connaissances. Leur vie est plus croche que les vieux chrétiens. Mais pourtant, c'est les jeunes chrétiens qui parlent. Et c'est eux autres qui conduisent du monde au Seigneur. Je veux juste vous dire. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit. Parce qu'ils ont une certaine joie, ils ont une certaine effervescence dans leur cœur. Ils sont tellement contents d'avoir découvert une nouvelle vérité, une grande vérité de la compassion de Dieu pour eux. Ils disent à tout le monde qu'ils connaissent, à l'entour d'eux autres, puis ils s'en vont, puis ils sont pleins de joie. Et pour une raison, quelqu'un s'arrête. Donc, ce n'est pas de savoir beaucoup qui est important. C'est de dire ce qu'on sait. Dites ce que vous savez. Vous en savez long de même? Dites-en long de même. Vous en savez long de même? Dites-en long de même. Je me souviens quand j'ai commencé à faire des visites, dans ma Bible, j'avais un paquet de questions en arrière des 10-15 feuilles avec des questions que les gens posaient. En dessous, j'avais marqué mes réponses. Quand quelqu'un posait ma question, je disais, attends un peu. Là, j'allais avoir les réponses, je disais, oui, retourne avec moi, on va prendre notre Bible dans Jean. Là, c'est comme ça que j'ai commencé. Je ne savais pas. Avec les années, ben, quand tu n'es pas trop fou, tu ne peux pas savoir les réponses par cœur. Mais on ne peut pas dire ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas dire ce qu'on n'a pas appris. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas. Après ça, tu dis, je voudrais que tu persévères jusqu'à la fin. Ça, c'est un autre principe qu'il donne à partir du verset 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père à son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit, je veux que tu persévères jusqu'à la fin. Si tu ne persévères pas là-dedans, tu ne seras pas sauvé. Oh, on n'aime pas ça se faire dire ça. Mais c'est marqué là. Je vais vous dire. Persévérer dans quoi? De quoi il parle ici? Persévérer dans quoi? Non? Dans le contexte, c'est quoi? Ils envoient à prêcher. Vas-y. Ton père va t'haïr, ta mère va t'haïr, ton frère va te rejeter, ta femme va peut-être te divorcer. Vas-y, continue! Continue à faire ce que je t'ai dit de faire. Continue! Jusqu'à la fin. C'est pas juste continuer juste à croire, hein, parce que dans le contexte, il est tenté de les envoyer et prêcher l'Évangile. Donc, il veut qu'ils soient des témoins partout. Il dit, n'arrête pas. Si ta femme menace de te rejeter, continue pareil. Paul, attache-la puis parle-y. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais continue à vivre ta foi. Continue à marcher avec elle dans la foi. Ne me renie pas. On va voir, c'est la vérité qui vient pas loin après. Ne me renie pas à cause de ça. Si tu me rejettes, je veux que tu persévères jusqu'à la fin dans la foi et que tu continues à vouloir atteindre le monde parce que tu es plein de compassion. Moi, personnellement, je dis ceci. Pensez-y. C'est plus dur aux croyants de ne pas parler que de parler. Les croyants ont plus de difficultés à ne pas parler qu'à parler. Pourquoi? Il y a une force en dedans d'eux, une force qu'on appelle l'Esprit de Dieu, qui les pousse. C'est pour ça que Jésus dit, « Bougez pas, restez à Jérusalem, ne partez pas, parce que vous allez pas aller loin, vous allez faire deux rues, vous allez revenir. » Restez là, attendez, je vais vous envoyer une grande puissance, hein? Le Saint-Esprit, il va venir sur vous, et là, vous allez avoir une puissance, et vous allez atteindre le monde pour moi. Mais bougez pas avant. Bougez pas avant. Il est en train de leur dire, je veux que la puissance qui est en vous, elle va vous pousser, elle va vous mener, elle va vous guider, elle va vous donner la force que vous avez besoin pour aller jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on voit dans la Bible les chrétiens qui vont jusqu'à la fin. À la fin de leur vie. Là, c'est des belles morts. D'autres, c'était des morts de martyrs. Mais ils vont jusqu'à la fin. Ils continuent à garder la foi. Et si tu gardes la foi, tu continues à partager ta foi. Ça va de pair. Ça ne peut pas faire autrement. Ça ne peut pas faire autrement. Je vous l'ai déjà dit, des enfants de Dieu, super espions, ça n'existe pas. Dieu ne nous appelle pas à marcher dans l'incognito. Je veux être un chrétien, mais Dieu m'a demandé de ne pas le dire. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il dit, je veux que tu persévères dans ce travail que je t'ai confié jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la fin du monde. Au verset 23 jusqu'à 25, il va dire maintenant, « Ne vous acharnez pas. » C'est un peu la même vérité que tout à l'heure. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, il n'aurait pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, puis au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Donc il dit, ne les forcez pas, ne vous obstinez pas, s'ils ne veulent pas, allez ailleurs, allez ailleurs, allez ailleurs. Essayez du mieux que vous pouvez, faites-le de la manière que vous pouvez, faites-le plus que vous pouvez, et s'ils ne veulent pas écouter, allez ailleurs, allez ailleurs. Continuez à parcourir le monde, si je peux dire ça ici. Parce que c'est ça que le Seigneur nous a appelés. Et il faut être conscient. Quand vous partez, quand vous sortez, quand vous vivez dans ce monde, il faut être conscient que c'est le rejet qui nous attend. À plus ou moins longue échéance, c'est le rejet qui nous attend. Soyons conscients de ça. Il ne faut pas provoquer le rejet. Mais c'est ce que ça va faire. Jésus n'a pas provoqué le rejet, mais pourtant il a été rejeté par le monde. C'est ce qu'il dit ici. Si on traitait Jésus de Béelzébul ou de démon, parce que Béelzébul, c'est le chef des démons, comment vous pensez qu'ils vont vous traiter, vous, maintenant? Je me souviens, il y a plusieurs années, je vivais dans un petit village, et le dimanche matin, dans une autre église, on parlait de moi. On disait, méfiez-vous de lui, c'est le démon en personne. Je me suis dit, Comme mon maître. On me traite de démon comme mon maître. C'était un compliment pour moi. Est-ce qu'on ne me traitait pas de démon parce que je mangeais des carottes, là? On me traitait de démon parce que j'amenais l'Évangile. Et c'est ça qui est pour ça qu'il ne voulait pas dans ce sens-là. Donc il dit, ne vous acharnez pas. Devant la haine, Jésus a fui. Devant la haine, Paul a fui. Devant la haine, fuyez aussi, vous savez. Puis aussi, je dis tout le temps aux gens, j'ai pas peur de mourir, mais quand je vois venir les camions, je me tasse. Hein? Puis on n'a pas peur de mourir pour le Seigneur, mais quand on peut fuir, on fuit. Moi, je dis que quand Paul était très sage de fuir, il a sorti la nuit dans une corbeille, il est descendu mieux, puis c'est un état ailleurs. Il n'a pas arrêté d'évangéliser, il a juste évangélisé ailleurs. Il dit, ne vous acharnez pas sur quelqu'un. Ne vous acharnez pas. Au verset 26 jusqu'à 33, il va dire, « Ne les craignez pas. Ne les craignez pas. » Oh, on est tellement fragile dans ce domaine-là. « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de mon Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je le déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc, il dit, ne les craignez pas. C'est notre tendance de les craindre, mais il dit, ne les craignez pas. Ne les craignez pas. Vous avez un message qui est vrai. Dites la vérité, dites le message. Tout ce qui a été dit, tout ce qui va être dit, tout ce qui est caché, tout va être révélé. Ne les craignez pas. Dites la vérité. Dites-le aux gens. Ne craignez pas les gens. Le message est vrai et votre Père céleste prend soin de vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien nous arriver. Ben non. Mais Dieu prend soin de vous. Parce que si vous regardez les apôtres et ceux qui ont fait la première génération de chrétiens, ils sont quasiment presque tous morts pour la foi. Est-ce que Dieu a fait ce qu'il avait dit? Votre Père céleste va prendre soin de vous. Est-ce qu'il avait pris soin d'eux? Ben oui, il avait pris soin d'eux. Mais quand Dieu dit qu'il va prendre soin de nous, il ne veut pas dire qu'il va rien nous arriver. Mais il prend soin de nous en tant qu'enfants de Dieu. Il nous envoie à la guerre. Il dit, je vais prendre soin de vous. Mais notre guerre est spirituelle, c'est souvent. Il dit, je vais prendre soin de toi. Ne les crains pas. Ils peuvent faire mourir ton corps. Ah oui, ils peuvent te tuer, c'est vrai. Mais il n'y a pas grand monde qui a été tué depuis 8 ans, je suis avec vous autres, là. Hein? C'est vrai qu'ils peuvent nous faire du mal, c'est vrai. Ils peuvent se moquer de nous, c'est vrai qu'ils peuvent se revirer en disant, C'est vrai. C'est vrai qu'ils peuvent refuser ton invitation, c'est vrai qu'ils peuvent faire toutes sortes d'affaires avec toi. Mais ils ne les craignent pas. Ils peuvent faire mourir ton corps, mais ils ne peuvent pas faire mourir ton âme. J'en prends soin de ton âme. Ils ne peuvent pas faire mourir ton âme. Ne les crains pas. Parce que tout ce qu'ils peuvent te faire, c'est que ça va être du matériel ou du physique. Ce n'est pas important. Mais ils peuvent pas te faire mourir spirituellement. Je te garde, je prends soin de toi. Et au verset 32-33, on a vu, il dit, « Ne me renie pas. » Ça, c'est un autre principe qui dit, « Ne me renie pas. » Attention. Il y en a beaucoup aussi qui pensent, qui font une comparaison avec, des fois, on a de la misère à parler, puis on ne parle pas. C'est pas ça qu'on pense. Il dit, « Ne me renie pas. » Si quelqu'un vient te voir sur la rue après-midi, puis il dit, « J'ai entendu que tu étais chrétien. Est-ce que j'aimerais d'en devenir un? Veux-tu me le dire? » Si tu ne dis pas, tu dis, « Non, je ne veux pas t'en parler. » Là, je te dirais, tu as un problème. Hein? Un problème. La plupart du temps, les chrétiens, quand on leur demande pourquoi ils sont chrétiens, ils aiment bien ça le dire. En tout cas, j'espère. Hein? Je regarde, vous avez toute la sourire, parce que vous êtes d'accord avec moi. Je vous ai déjà dit une chose une fois, j'espère que vous allez vous en souvenir pendant des années. Jésus ne courait pas après les gens, c'est les gens qui couraient après Jésus. Souvenez-vous de ça. Jésus ne courait pas après les gens, c'est les gens qui couraient après Jésus. Vivez comme Jésus, vous allez voir. Vivons comme Jésus, vous allez voir. Oui, il y en a qui vont vous rejeter, parce que Jésus, il y en a qui venaient voir, il y en a qui venaient, une fois, deux fois, ils partaient. Il y en a qui venaient, puis ils s'en allaient, ils ne revenaient plus. Ça va faire la même chose. Si on vit comme une lumière dans le monde des ténèbres, les gens vont vouloir voir c'est quoi cette lumière-là. Ils vont vouloir comprendre c'est quoi cette histoire-là. Si vous vivez et que vous parlez autrement, ils vont vous poser des questions. Je vous le dis, ça marche. Ça marche. Ils veulent savoir pourquoi on est différent. Et surtout, si on a le sourire jusqu'aux oreilles, là, ils vont vouloir savoir pourquoi on est si heureux. Ils vont vouloir savoir. Au verset 34 ou 32, on va terminer avec ça. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quand je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui la perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Jésus dit ici, n'ayez pas de fausses attentes, ou ne vous trompez pas vous-même. Un jour, ma mère est venue me voir, puis elle me dit, François, elle dit, pourquoi on ne ferait pas la paix? On croit en Dieu toutes les deux. Elle dit, Dieu, il lui faire la paix entre nous. Pourquoi on chicanerait pour la foi? Et je me souviens d'avoir vu ma Bible à ce passage-là. Du moment où Jésus n'est pas venu faire la paix, il est venu amener l'épée. Il est en train de diviser le monde en deux gangs. Les croyants et les non-croyants. Jésus n'est pas venu faire la paix dans le monde. Il est venu diviser le monde en deux. Il est venu diviser le monde en deux. L'Évangile n'a pas un but de faire la paix entre les hommes. L'Évangile a pour but de faire la paix avec Dieu. Et si Jésus s'est venu pour faire la paix, bien, il aurait manqué son coup, on l'a tué. C'est pas ça, hein? C'est pas ça, parce qu'il n'a pas réussi, lui, en tout cas, à le faire. Puis il ne pense pas qu'on va le faire non plus. Il dit, n'ayez pas de fausses attentes. Quand vous partez, vous allez diviser. Alors, vous déjà divisé des familles. L'Évangile, moi, j'ai déjà prêché l'Évangile dans des familles. L'Évangile a divisé les familles complètement. Et là, tu te sens coupable, ma bébête, je vous garantis. Les gens qui se divorcent à cause de l'Évangile, les gens qui rejettent leur femme ou leur mari, les gens qui rejettent leurs enfants parce qu'ils deviennent chrétiens, c'est toi qui es responsable jusqu'à un certain point. Tu as annoncé l'Évangile à ce gars-là, et il s'est converti, là, la famille le rejette maintenant. Tu as été une cause de division par la prédication de l'Évangile. Mais tu dis, oui, gloire à Dieu, parce que c'est ça que Dieu voulait faire. C'est ça que Dieu veut faire. Diviser le monde. Il n'est pas venu pour unir le monde, mais pour le diviser en deux gangs. Ceux qui veulent croire, et ceux qui ne veulent pas croire. Il dit bien, je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde. Il faut s'enlever ça dans la tête. La foi, ça n'amène pas la paix dans le monde. Jésus dit, à la fin, au verset, il dit, là, il leur dit, pour les encourager, il dit, quiconque va vous recevoir, quiconque va vous recevoir, parce que vous êtes mon enfant, il ne perdra pas sa récompense. Je me souviens une fois, j'avais, je pense que je vous l'ai déjà compté, mais je vous la raconte. Il y en a qui n'étaient pas là. Une fois, je faisais des visites, puis je rencontre une madame, puis je commence à lui parler de la foi, de l'Évangile, puis tout ça, puis on parle ensemble, puis parle ensemble. Puis elle m'a dit, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas rien savoir. J'ai dit, OK, madame, je vous laisse le bonjour. Puis elle dit, avant de partir, elle dit, j'aimerais ça t'offrir un verre d'eau. Il faisait chaud, il faisait une chaleur, je m'entends. Elle dit, j'aimerais ça t'offrir un verre d'eau. Ah, j'ai dit, merci beaucoup. J'ai attendu, j'ai me chercher un verre d'eau, elle me l'a ramené. Puis elle me dit, la Bible a dit que je ne vais pas perdre ma récompense, hein? Elle savait le verset! Et elle savait que je n'ai pas parti tout de suite. J'ai dit, madame, le verset dit autre chose aussi. Il dit, me le donnez-vous parce que je suis un disciple de Jésus? Elle dit non. Elle dit, vous n'avez pas de récompense. Parce que Jésus dit, s'il vous donne un verre d'eau parce que vous êtes mon disciple, et si cette personne-là qui est à l'autre bord de la porte, ou votre voisin, ou votre femme, ou un ami, si elle croit que c'est Jésus qui t'envoie, elle va t'écouter parler, je te garantis. Elle va écouter le message que tu as dit. Puis elle va se convertir, elle ne va pas faire sa récompense, c'est ce que ça veut dire. Mais si elle te donne un verre d'eau parce qu'elle ne veut pas gagner sa place au ciel, vous pensez-vous qu'elle va avoir une place au ciel? Ben non. C'est pour ça que ça parle. Il parle que si quelqu'un vous reçoit parce que vous êtes mes disciples, automatiquement, bien, Jésus va agir dans le cœur de cette personne-là parce qu'il reçoit un disciple de Jésus. Mais elle ne croyait pas que j'étais un disciple de Jésus, elle pensait que je faisais partie d'une secte. Mais elle voulait montrer sa bonté humaine. Frères et sœurs, c'est notre mandat, c'est le monde entier. On a en nous la puissance de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu. Et nous sommes appelés à aller montrer la compassion de Dieu. N'oubliez jamais ça, la compassion de Dieu. Dieu veut leur faire du bien et les sauver. Et vous êtes un exemple vivant de la compassion de Dieu. N'oubliez pas de le dire, ça. C'est pour ça que c'est si intéressant quand vous donnez votre témoignage aux gens, parce qu'ils vont voir la compassion de Dieu pour vous. Ils ne comprendront pas la grande théologie. Ils ne comprendront pas la grande théologie que vous essayez de leur expliquer. Ils ne comprennent pas tout ça. Mais ils vont comprendre quand vous leur dites, j'étais un pécheur, j'étais un rebelle, je n'aimais pas Dieu, j'étais un athée, j'étais un zélé pratiquant d'une religion, puis j'essayais de me sauver par moi. Ils vont comprendre ces vérités-là. Ils vont saisir que vous parlez de quelqu'un qui est venu vous sauver. Ils vont saisir l'Évangile de ça. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, dans les Actes des Apôtres, à plusieurs reprises devant des hommes, des érudits, il va leur dire quoi? Son témoignage. Il va juste donner son témoignage. Il n'est pas parti dans des grands débats théologiques par rapport au nom de Dieu, au Saint, à l'enfer, au ciel. Il est parti, je vais vous dire ce que Dieu a fait pour moi, pauvre pécheur que j'étais. Ça, il aime ça. Mais si vous essayez de montrer que vous avez une grande connaissance théologique, ils vont probablement fermer la porte. Les gens n'aiment pas ça, se sentir écrasés par un savant. Donnez-leur votre témoignage, vois, ça a un bel effet dans la vie des gens. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on te remercie que tu as bien voulu faire de nous tes co-ouvriers. Tu veux nous envoyer dans le monde afin qu'on fasse connaître au monde entier à quel point tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, plein de bonté, un Dieu qui peut pardonner, un Dieu qui change les vies, un Dieu qui guérit, un Dieu qui ressuscite, un Dieu qui est prêt à nous donner une place dans le ciel avec lui, afin qu'on puisse continuer à le servir pendant l'éternité. Seigneur notre Dieu, tu as eu de la compassion pour nous. Donne-nous la grâce d'aller exprimer ça aux gens qui nous entourent. Donne-nous la capacité aussi de suivre ce que tu nous dis dans ce chapitre, ce que tu as dit à tes disciples qui est aussi valable pour nous. Qu'on puisse prendre ces principes et qu'on puisse les appliquer dans notre vie afin de pouvoir agir comme toi tu agissais dans ce monde. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.